l'album Boy, on enchaîne sur un morceau toujours de ce même album, un petit peu moins connu. Le morceau s'appelle A Day Without You, mais toujours autant de pêche. Allez, c'est parti pour U2, A Day Without You. Donc on est en 1980 avec la bande Abono, toujours premier album qui s'appelle Boy, et on va filer en 81, puisqu'à cette époque-là, il y a quasiment un album par an pour U2, puisque le troisième sortira en 83, on en reparle un petit peu plus tard. Et donc la bande Abono avec The Edge, avec bien évidemment Adam Clayton et Larry Mullen Jr. On va écouter donc un extrait peut-être plus emblématique de l'album October, morceau qui a été le plus connu à cette époque-là, qui s'appelle Gloria. I'm 80, puisqu'on est en 81 avec l'album October, avec bien évidemment le morceau Gloria. À cette époque-là, donc, c'est une entité U2. Hein. Quand on regarde sur leur pochette de mémoire, c'est marqué écriture, composition, U2. Hein. C'est pas, y a pas de nom distingué, me semble-t-il, à vérifier quand même. On va donc passer maintenant à un deuxième morceau, toujours du même album October, donc sorti en 81. Ce morceau s'appelle I Fall Down. Pourquoi je l'ai choisi? Tout simplement parce qu'il me fait penser au quatrième album qui sera produit en 84, hein, un album qui s'appellera Unforgettable Fire, produit par pourtant deux nouveaux mecs, hein, plus de Stevie Lee White, mais plutôt deux à duo composés de Brian Eno et Daniel Lanois. On écoute donc maintenant I Fall Down. I wanna get up. Bien sur RVR avec Pop and Rock et soirée spéciale U2. Alors après le morceau éponyme de l'album, donc October à l'instant, on enchaîne sur le dernier morceau de la soirée pour l'album October. Alors je vais pas vous faire le morceau en anglais parce que mon anglais est trop mauvais pour ça, mais en français ça donne « Je balance une brique à travers une fenêtre ». Et ouais, Bono à l'époque il était révolutionnaire, hein. Thank you. 1983 et en 83, U2, c'est ça. Le méga type de U2 des années de l'année 83, mais c'est également ce morceau qu'on écoute au moins une fois par an. Alors pour moi, cet album War sorti en 83, c'est l'album de U2, celui qui vraiment est la quintessence même de ce groupe, avec la batterie très reconnaissable de Larry Mullen Jr., avec la fougue de Bono, la guitare bien évidemment de The Edge, et puis surtout, comment choisir 3 ou 4 titres dans cet album quand on pense que, allez, je me lance en anglais, qu'il y a Sunday Bloody Sunday, qu'il y a Seconds, qu'il y a New Jersey qu'on a écouté à l'instant, qu'il y a Like a Song, The Refugee, Two Hearts Beat as One, Red Light, Surrender et le formidable 14. Donc on va chercher, allez, une petite surprise, je vous dis pas ce qu'on va écouter. She won't tell me her name. Oh no, not me. Surprise du soir, c'était donc Party Girl, morceau que vous ne connaissez peut-être pas puisqu'il n'a été produit que sur l'album Live Under Blue Red Sky qui a dû sortir en 80, je sais plus en fait, peut-être 84, 85. Et ce morceau était sorti en 82 sur ce qu'on appelle à l'époque un 45 tours. 45 tours sur la face A, un morceau qui s'appelait A Celebration, et sur la face B, un morceau qui s'appelait Trash Trampoline and the Party Girl, et c'est devenu Party Girl, qu'on retrouvera régulièrement sur tous les concerts de U2. J'espère que vous avez adoré. Allez, on va continuer maintenant avec un nouveau morceau de l'album War. Oh. est en 84 donc avec l'album Unforgettable Fire. On vient d'écouter deux morceaux. Le premier s'appelait donc comme l'album des Unforgettable Fire et à l'instant on a écouté Pride in the Name of Love. Ensuite il faudra attendre 87 pour l'album Joshua Tree, Rachel and Home en 88, Artoon Baby en 91, Europa en 93, Pop en 97. Moi j'écoute plus trop U2 à cette époque-là. Je vais attendre les années 2000 avec en 2007 de mémoire l'album qui s'appelle How to Dismantle an Atomic Bomb avec un morceau extraordinaire qui s'appelle Vertigo. On termine avec ça. Et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bisous à tous. Take this soul.